Alors, on va faire quelques chansons et puis on va parler entre les chansons avec toi. Oh oui, ben si oui. Tu as envie. Ben oui, ben, je suis pas mis pour rien. Allons-y. Bon, tu nous dis quand on parle. On y fait. Je commence au piano, je vais faire. Je commence au piano, d'accord. Pour toi, c'est encore les 20. Une dizaine de chansons. Une dizaine, et puis après, on passera à la vingtaine qu'on a répété avec toi. Et du coup, t'enregistres tout le temps. Exactement, oui. Okay. Après ça, je fais des montages. Ah, d'accord, je pensais que tu le. Oui, mais. Je prends de la gourde. Ah, mais c'est super parti. Ce que je veux dire par là, le montage, c'est que je vais couper les moments plus. Oui, bien sûr. Pour ramasser uniquement des chansons. Ouais, et d'accord. Les propos. Mmh. Comme ça, ici, là, ça risque. Il n'y a pas de moment de creux. Bah, il va peut-être en avoir, mais ça va créer une ambiance. Ok. Voilà. Hey, c'est bien ici. Okay. Très bel endroit. Ben, au moins, c'est silencieux, tu vois, pour faire de la musique. Oui, c'est vrai. Puis les gens ne vont pas entendre ce que tu vas faire. Très peu. Une rumeur. Ah ouais. Ils auront l'idée que je joue, oui, mais ah, ils ne ouais. peuvent pas suivre. Mais tu peux pas jouer le soir? Je peux jouer le soir, mais je joue pas après 22h30 parce ah ouais. que de toute façon. Enfin, ça m'est arrivé. Cela okay. dit, ça m'est arrivé des fois de jouer jusqu'à minuit, tout ça, mais je fixe moi-même mes limites. Ok, ouais. Parce que normalement, c'est la nuit où on est plus inspiré, souvent. Ouais, ça dépend des jours, tu sais. Ouais. Ça dépend du décalage horaire. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, le décalage horaire, oui. Tu t'accordes ouais. Oui, comme ça, c'est fait. Ouais, ouais moi, je suis là depuis 20 ans, tu vois. Ah, c'est bien. J'ai eu la chance de pouvoir acheter. C'est-tu loué ou acheté ? J'avais acheté. Oh. Et ouais, sinon j'aurais pas pu être libre comme je le suis pour faire ces petites chansonnettes, tu vois. C'est bien. Alors t'as rien à payer hormis les charges. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui ne sont pas énormes, en plus en rez-de-chaussée on paye pas pour l'ascenseur, tu sais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc de pauvre. Puis c'est quand même assez chaud ici, hein. Je veux dire, c'est bien tempéré. C'est frais l'été. Ok. L'hiver, ça se chauffe vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de déperdition. C'est quoi, c'est un studio, c'est... Ouais, si tu veux, bon, tu vois, il y a une chambre à côté, okay. mais c'est pas... Avant, c'était fermé, d'ailleurs, vraiment. Ok. Mais moi, j'ai abattu la cloison et j'ai fait ce rangement à la place. Ah oui. J'appelle ça la FNAC. Oui, oui. Ouais. J'ai mon stock de choses. C'est pas Balavoine que je vois de loin? Non, c'est Jay. Ok. C'est une boîte de Kleenex qui a été un objet promo qui était fait pour son 45 tours défense de pleurer. Ah ouais, ah, c'est bon. Voilà. Et quand il a vidé son studio, il a retrouvé ça, il me l'a donné. Ah oui, oui, oui, oui. Ah ouais. Voilà. Hey, c'est marrant. Vous vous souvenez ? Toute neuve. Ah oui, ben oui, j'avais utilisé. Un peu abîmé, mais. Mais c'est les années. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça bien. Doit être 83. Ah oui, mais voilà, ça témoigne. C'est pour le musée de la pop. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ah, c'est vraiment super. Mm. Et oui, 20 ans, tu vois. Et c'est vraiment bien localisé. C'est près de tout. Puis en plus, c'est loin de tout. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi, j'aime bien pour les transports. Tu vois, il y a la ligne 2, la ligne 4. Les deux. Bon. Voilà. Et puis, quand Reynald vient aux abbesses, je suis juste à côté aussi. Oui, oui. C'est mais l'école aussi, c'est brûlé un peu, les enfants. Hein? Je les entends pas ici. Ok, ah oui. Il y a une école en face, oui, c'est ouais, vrai. Ouais, c'est ça, je les entends. Les enfants sortent et... Ça va, ça va. Non, en plus, c'est la vie, les enfants. Franchement, c'est pas des... C'est pas... On est passé par là, nous aussi. C'est alors. Des petits, ouais. Ils hurlent pas. Hein. Non, ça parle, mais c'est voilà. Bien heureux de partir de l'école. Ouais, mais c'est gentil. Ah oui, c'est... Oh, il y a rien de... Ouais. Sauf que le voisin, il faut quand même être... faire attention, parce que les voisins sont quand même assez près. Oh, ça va. Franchement, là, si tu veux, je fais ça. C'est juste pour le son. Pour le son, oui. Parce que j'ai observé que c'était mieux quand je fermais. Ouais, c'était plus. C'est vrai, opaque. Ouais. Tu préféreras pas, par contre, que je me mette par là quand on sera tous les. Bon, oui. Je sais pas, parce que. Sur ce bar-là ? Je sais pas, oui. Enfin, oui. Sur la... Parce que je risque d'être loin des micros si je suis ici, non ? Je me rends pas compte s'ils captent. Oh, ça capte bien les ondes. Oui. S'ils ont une grande portée. Oui, oui, oui. D'accord, donc je peux rester là. Oui, parce que je l'ai mis en fait en tête chercheuse, c'est-à-dire que lui va se concentrer sur le son. D'accord. Et donc il va focusser sur ce qui amène le son. Donc tout ce qui est ambiant va se fondre. Ok. Ah, c'est quand même surprenant ces petits. Oui, c'est bien les zooms. Ouais. Mmh. J'ai mon ami Anne de Taipei dont je te parlais, il enregistre beaucoup de choses avec. Ben oui. Je veux dire pour les albums, hein, vraiment. Mmh. Ouais. Ah oui, c'est vraiment. C'est beau. On est parti. Oh, on est parti. Mmh. qu'on m'appelle Barcelone. Je deviens la poussière et la tiétine de l'air, tout en étant personne. Il sonne très bien ton piano. Mais oui, mais oui, ils m'aident beaucoup. Non, mais c'est vrai, il sonne très très bien. Bah, alors tu vois, je mets toujours l'étouffoir, je mets toujours cette pédale enfoncée là au centre. Ok. Et pourquoi ça donne un son particulier ? C'est feutré. Ok. Sinon, c'est trop brillant. Ok. Et comme je chante doucement, que je cherche pas à chanter plus fort que ça, c'est okay. Ce qu'il me faut. Ah, c'est bien. C'est bien, moi, t'as trouvé. Ça. Ça délimite un espace. Ouais, ça ramène. Ça ramène le son et la voix. Oui, bah, sinon le piano, ça prend un espace considérable. Mmh, oui. C'est comme un buffet Louis XV dans une pièce. Tu vois, oui, oui, ça, oui. Voilà, voilà, ça, c'est tempéré. Ouais. Ça, c'était sur le premier de Peppermoon, tu sais. Oui. Bah, tu vois, les plus vieilles chansons, des fois, c'est celles qu'on sait le mieux parce qu'on les a tellement jouées, en fait, qu'elles restent dans les doigts. Elles ont bien vieilli aussi. Oh, vous me flattez. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça peut être une chanson actuelle. Il n'y a pas de. Parce que tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, elles n'étaient pas actuelles à l'époque où elles sont sorties. Elles ne le sont pas plus aujourd'hui. Donc, elles sont dans leur petit monde à elles. Elles sont dans leur cabane. Tu vois, dans leur petit monde. Indémodable. Bah, je sais pas. Ce serait prétentieux pour moi de le dire. Mais pas en courant après une mode, en tout cas. Ok. Ouais. Mais c'est très. C'est très relaxant aussi, c'est très ambiant. C'est... Depuis que j'ai arrêté le heavy metal, oui. Oui, c'est oui, oui. Puis le rap aussi, hein. À un moment donné, tu as été dans le rap. Mais... Oui, oui, j'avais des coups de gueule contre la société, tu sais. Effectivement, oui, c'était une rébellion qui était très, très constante forte. En toi. Oui. Mais c'est ça. Oui. Maintenant, j'ai racheté la Courneuve, donc. Je... Oui, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Je t'en fais une autre du même album. Oui, oui, oui. Plus riche que... Tu connais ce conifère, ces bords de ville, ce gris léger. Passager banquette arrière dans son royaume de pluie tombée. Rue du Général Leclerc, des moments mal aimés. Ah tiens, voilà, tu l'as passé. Quelques panneaux à l'envers sur la rocade, sur le gravier. Bali part sur France Inter, des pavillons atténués. Atténués des cars scolaires, rue du silence mouillé, de parasols. De brume et coton vert, lotissement bien goudronné. Balançoire en plein hiver pour les enfants de février. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ça fera pousser des labyrinthes. C'est dans l'Essonne, saveur Poitiers. Quelque part dans l'univers, dans le cosmos, la vérité. C'est bien, guitare voix. Mais t'étais pas certain de tes paroles, c'est pour jamais. Ça que... Jamais. OK. Juste que tu vois, je l'ai pas tellement regardé. Non, pas du tout. Mais c'est juste pour te sécuriser. Je sais que je l'ai. OK, c'est ça. Mais... Et du coup, ça me... Voilà. Après, mais juste pour les nouvelles, pas pour les anciennes. Les anciennes, ouais, c'est exactement ça, oui. Mais les anciennes, ils font partie de toi. Bah, j'ai joué tellement. C'est ça. Donc... Tu vois, là, c'est devenu... Instinctif. Ouais. On fait domino, peut-être. Alors domino, pendant que voilà, bon, ça c'est la seule là aujourd'hui que j'ai pas composé, j'ai écrit le texte, mais c'est une musique d'un copain de lycée, de collège, Joël, qui avec qui je suis toujours resté en contact en fait. C'est la seule personne de cette époque-là, parce que j'étais pas tellement dans mon biotope, j'étais dans un endroit un peu même pas difficile en fait, c'était pas dur, mais c'était juste un peu ennuyeux. Mais Joël était déjà très très... il était beaucoup plus fan de musique que moi en fait, et il m'a ouvert des portes vers plein de trucs. Il était au milieu de la campagne comme moi, mais alors déjà il écoutait Bernard Lenoir à la radio, il enregistrait tout, il était extrêmement, beaucoup plus érudit que moi d'ailleurs. Et du coup il m'a fait connaître des trucs qui après m'ont beaucoup marqué. Et on est toujours resté en contact comme ça, on ne s'appelle pas toutes les semaines, hein, mais et il m'a envoyé cette mélodie assez obsédante, assez hypnotique, répétitive. Et puis j'ai eu l'idée de faire un truc sur les machines Goldberg, tu sais, c'est des machines qui font d'une manière très très compliquée une opération très simple, par exemple juste mettre un sucre dans une tasse de café, mais ça passe par des milliards de trucs incroyables. Voilà, je trouve ça assez poétique, ça m'a toujours un peu fasciné. Depuis que j'ai connu, en tout cas. Voilà, donc Domino, c'est un texte qui est ficelé comme une machine Goldberg. Et c'est parti. Domino, qui pousse un autre domino et tombe sur un élastique actionnant un bras mécanique. au bout duquel une allumette met le feu à une ligne de poudre bleue tracée vers une mini fusée qui décolle en emportant le fil attaché à la roue qui va tourner, laissant tomber des billes de verre sur les cordes d'un grand piano grand ouvert. Ça me suffira à nous rendre heureux. J'envie tout ce qui est brumeux. Ça veut dire que je l'ai pas massacré. Non, non, non, non, non. Mais c'est encore une chanson qui a pas vieilli. C'est... Non, mais je c'est... sais pas. Mais on sent quand même que chaque chanson est comme enveloppée par la musique que tu crées au piano. C'est comme si l'osmose se faisait à travers les mots puis à travers la musique, comme si c'était celle-là qui devait être là et non pas une autre. Bah, j'espère, enfin je sais pas, j'espère qu'elles ont trouvé leur petite évidence intérieure. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'espère que... Enfin, c'est peut-être le truc après quoi tout court n'importe quel auteur de chanson, c'est-à-dire que le truc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en tout cas, a sa logique interne et fonctionne en soi, ouais. Quoi. Après, ça pourrait être dit aussi, je sais pas, d'artistes auxquels je suis plus ou moins réceptif, mais qui, dans leur logique, sont voilà, c'est impeccable, quoi. Il y a un truc qui... Je sais pas. Mais... Je veux pas... Après, des fois, j'ai l'impression, si je parle trop des chansons, j'ai l'impression de dire soit des choses prétentieuses, soit des bêtises, soit des évidences. Et... Alors, voilà, je me méfie de ce que je peux dire de mes propres morceaux, des fois. OK. Parce que tu sens un peu mal à l'aise de décrire un peu ce que... C'est mal à l'aise, non, parce que finalement j'aurais fait de dire des conneries, donc je suis pas mal à l'aise. Ouais. Mais voilà, c'est bien de les laisser parler, elles. Oui. Aussi. Ouais. Bon, de toute façon, tu me connais bien, je suis bavard, je suis quelqu'un, tu vois, je suis pas un autiste. Attends, on discute beaucoup. Ah oui, oui. On en refait une autre à la guitare ? Oui. Mm-hmm. Si tu veux. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire au plus près ? Mm-hmm. On va faire un. Ça, c'est un petit peu. C'est un autre rebond, c'est un autre rythme, ok. Et là, typiquement, il me fallait vraiment un guitariste comme Paul, parce que c'est une chanson que je ne peux pas aborder avec un guitariste pop habituel qui a besoin d'un truc un peu plus, je sais pas, un peu... Comment tu définirais ça, Paul ? C'est pas du swing, c'est pas swing, mais... C'est pas du swing, mais enfin si, après il y a une sorte de swing, un balancement, ouais, c'est vrai. Bon. Ouais. Chanson, hein, de toute façon, mais... Indescriptible, nous avons... Non, mais c'est pas binaire, ordinaire. Ok. On peut dire ça. Je sais pas. Oui, ouais. Anytime. Alors. De tes pensées, tout me paraît pas normal. Nos adieux recommencés à la désorientale. Au plus près de ton désir, un détail est un détail. Il faudra pour en sortir naviguer en. Alors souvent je m'éloigne et souvent je m'incline vers un versant de montagne, un moment de colline. Et je te laisse un peu d'aise, passe un battement de destin, trois petits points et puis reviens. Le goût du face à face. bon plus près des sentiments, comme dans les colonnes de Stahl. On ne peut plus voir vraiment quand l'été s'installe. Bon plus près de ta présence, j'en oublierai l'idéal. Je ne verrai plus ma chance de ce bonheur banal. Alors souvent je m'échappe et souvent je m'exile. Bonne espérance est un cap et pas un centre-ville. Elle parle la mélodie, je me demandais à quoi servait ce dé là, mais après ça j'ai su que mais c'est vraiment où tu l'as acheté ce dé? À Vienne. Ok. Dans une petite boutique de percussions, où il y avait des instruments exotiques, machin comme ça, et il y avait ce dé. Enfin c'est comme un œuf en général, enfin un shaker œuf. Ouais. Et je sais pas pourquoi je suis plus à l'aise avec cette forme qu'avec l'œuf traditionnel. Ben oui. Voilà. C'est esthétique, mais c'est aussi sonore. On fait ce qu'on peut, mon beau monsieur. Voilà, mais Paul aussi. Regarde, Paul est très esthétique et aussi sonore. Donc, on fait définition. Ouais. Alors ça, c'est dans le premier EP de janvier 2018. Ok, ouais. Et voilà, ouais. Là, ça, c'est une chanson plus pop, mais en guitare-voix, c'est pas mal aussi. Truc marrant. Anytime. Qu'est-ce que tu appelles croire? Qu'est-ce que tu appelles aimer? Qu'est-ce que tu appelles la vraie vie? Oh, les mots sont des tiroirs où chacun a rangé des images des paradis. Tout est question de définition. Quand je dis bleu, c'est lequel dans tes yeux? Même oui ou non, le mauvais et le bon. Quand je dis vert, est-il sombre, est-il clair, ou c'est la don? Enfance façonnée et magazine que tu lis. Dis, tu n'es pas sans savoir avoir hérité d'un certain regard sur la vie. Et tout est question de définition. Quand je dis rose, verras-tu la même chose? Même oui ou non, le mauvais est le bon. Quand je dis homme, tu vois qui, tu vois comme c'est selon. C'est selon. Qu'est-ce que tu appelles voir? Qu'est-ce que tu appelles donner? Qu'est-ce que tu appelles réussir? Voilà ton purgatoire, la Babel parbelée, heureuse. malheureusement, il y a la sortie. Tout est question de définition. Quand je dis France, il est une différence. Même oui ou non, le mauvais est le bon. Quand je dis rock, et les gens, époque et le son. C'est bien parce qu'il y a une ritournelle qui peut revenir constamment, ça peut aussi jamais s'arrêter. C'est... Bah, c'est-à-dire que si nous étions évidemment au Stade de France avec un groupe survolté, galvanisé, nous décollerions encore plus. La scène se soulèverait portée par quatre hélicoptères de chaque côté. Ça serait assez joli. Mais ça serait vraiment le côté petit budget de la scène. C'est mon côté intimiste. J'avoue. Okay. Mais c'est vraiment très, très... Les mots s'envolent grâce à la mélodie, grâce à... Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Oui, oui, effectivement. C'est ça. Tu vois ? Bon, alors, je vais t'en faire une petite au piano, et puis après, on en aura encore une à la guitare, évidemment, parce qu'on est comme ça. Oui. T'as jusqu'à quelle heure, en fait ? Parce que, j'ai une rencontre à 17h30. Avec Marc, c'est ça, ouais. Tout mieux, oui, qui est formidable. Okay. Que tu connais. Il est quelle heure ? 4h. Ah, ben, c'est parfait. Ben oui. Allez. Que tu connais, hein. Mais oui, que je t'ai envoyé. Oui, mais tu connais très bien. Non. Je l'ai rencontré une fois ou deux fois, mais je le trouve super. J'étais à son concert au Sunset. J'adore la chanson, le morceau « Le bal des mondes » qui donne son titre à l'album. Ouais. Je trouve ça vraiment très, très beau. Voilà, j'étais ému par ce que j'ai entendu. Est-ce qu'il sait que tu m'as... Je crois pas. Je lui avais envoyé un message, mais il l'a peut-être pas vu parce que je crois qu'il l'a pas vu. Bon, ah, voilà, ok. Peu importe, c'est pas grave. Mais fais-toi-en pas, je vais lui glisser la... Je vais faire parisienne, alors si jamais tu as envie de me rejoindre à un moment, tu la connais. Mais voilà, moi, en tout cas, je la fais. Ok. Bon, c'est un message sublirénal. Non, totalement libre. Ouais, ouais, ouais, non, c'est... Parce qu'on n'a pas répété tout à l'heure. Donc vraiment, si tu le sens pas, Paul, comme tu veux. Parisienne, créature des cafés vers la Madeleine. Savamment décoiffé, quel bon vent t'amène, comme fée, comme reine, vers d'Asie des lointaines, vers la Seine, toute d'or griffée, parisienne, attirée par le vide et les ciels de traîne, comme un été livide, à le bleu des veines, comme signe d'âme en veine, on prenait de la graine. Et l'emmène voir passer. baleines, elles reviennent d'océans limpides. C'est une indécise, mais ce n'est pas certain, quoi qu'on en dise. Et dans le soir, elle vient de revoir l'air de rien, l'air de rien. C'est une imprécise, un croquis au fusain pour expertise. Il y a de l'ombre bleue dans son regard, fiévreux, et puis une éclaircie soudain dans le ciel. C'est super, vraiment là, la guitare qui est venue après ça se coller à la toute fin, c'était vraiment très très bien. On a préparé un truc juste pour toi. Oh, ok. Et voilà, on va répéter juste avant. Oh, tu vas la reconnaître, mais tu ne seras pas la seule à la reconnaître. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Quelle est de préféré Cosme? Cette chanson, les feuilles mortes. Et chaque fois, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent un souvenir. Jour après jour, jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence. Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de cette chanson, elle fait morte. S'efface de mon souvenir. Et ce jour-là, ça m'emporte. À mon morte, on aura fini de mourir. Bel hommage à Gainsbourg. C'est bien. C'est une de ses plus belles. Ça fait partie de ses grandes chansons qui ont traversé le temps. Et les espaces. Parce que je m'aperçois que la javanaise, enfin, il y en a quelques-unes comme ça qui ont voyagé. Pas tout de suite, pas immédiatement, pas comme un hit international, mais qui font leur chemin autour du monde. Mmh. C'est vrai. Celle-ci, par exemple, au Québec, elle est très connue. C'est un classique de lui ou bien... C'est un classique, mais jamais assez diffusé. Ah ouais. Oui, c'est peut-être pas comme... C'est comme, je sais pas, admettons... C'est quoi, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Ouais. La chanson de Gainsbourg qui serait la plus connue au Québec, vu de chez toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, peut-être... celle-là peut toucher Bonnie and Clyde. Ah oui, oui. Je t'aime moi non plus. La première, c'est Je t'aime moi non plus. Oui. Qui est planétaire. Oui, c'est clair. Partout dans. Je t'aime. Ou alors par d'autres, Poupée de cire, Poupée de son, peut-être. Ouais, France Gall, Poupée de cire, Poupée de son. Mais encore, Je t'aime moi non plus, c'est le standard Gainsbourg. D'accord. Ouais. Okay. Ouais, c'est. Mais la décadence aussi. Qui est. Oui, la même période. Absolument. Le spin-off de Je t'aime moi non plus. Exactement. Mais en plus, il y a la danse qui va avec la décadence. Oui. Hein? Mais c'est sûr que la chanson de Prévert, c'est repris par beaucoup de chanteurs, chanteuses québécois, mais très peu diffusés. À part Radio-Canada, qui est France Inter, CKRL, et CKIA, puis toutes les radios communautaires. fier. Les 20 premières secondes, je pensais que c'était la chanson de Diantel, Si j'étais un homme. Ah ben, c'est gentil, parce que c'est un vrai, très beau morceau, mais... Trouves-tu le début? Ben, c'est la chanson beaucoup plus sophistiquée au niveau harmonique que la mienne. Hein. Ben, et Paul le peut confirmer, parce qu'il a joué Faire à nouveau connaissance, les chansons de Diantel, c'est costaud. Ah oui, tu as chanté avec elle? Non, ok, ok, ok. Sur l'album d'Emma. Avec Emma. Ok, oui. Avec Emma Solal, on avait repris Faire un nouveau connaissance pour le projet sur François Hardy. Ouais. Et c'est vrai que c'est complexe harmoniquement. Mais enfin, tu dis ça, mais. Mais c'est vrai, hein, le début. Mais, non, mais c'est, il dit ça, mais ses chansons ne sont pas. sont pas très très simples. Hein. Non. Mais... C'est pas. C'est pas quatre accords, quoi. Il y a très souvent des. Des surprises, enfin chaque chanson a des surprises harmoniques. C'est ça que j'aime bien. Mais il y a des choses qui sont pas du tout. Mais parce qu'on sait pas l'académique. On n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans un format chanson très. Ouais, le standard. Voilà, très standard. Ouais. Ça peut partir, pouf, d'un seul coup il y a une petite couleur qui arrive. Ça peut être uniquement un enrichissement sur un accord. Parfois c'est carrément des petites entorses harmoniques, mais qui fonctionnent très très bien. Oui. Ben c'est ça aussi, c'est de laisser un peu la musique vibrer en nous, hein, sans la prendre et puis la placer dans un carcan déjà préparé. Donc c'est l'ouverture. Et ça surprend forcément l'oreille même. Ah ben oui, ça rafraîchit l'oreille surtout. Du mélomane, exactement. Aussi. Exactement. Mais on avait parlé de Diantel aussi ensemble il y a deux ans, trois ans. Oui, tu me disais que tu l'adorais. Elle est très attachante, elle est intéressante. Elle a écrit quelques chansons qui sont des standards, vraiment. Mm-hmm. Donc, déjà, rien que ça, c'est bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais Pierre, c'est bien ce qu'on a entendu parce que ça donne vraiment l'étendard de tout ce que tu as fait depuis le début jusqu'à maintenant. Il n'y a pas trop le côté cha-cha-cha. Non. Tu as un côté cha-cha-cha? Bah, tu connais pas mon album Algoritmo. Lui non plus, il le connaît pas. Critique du monde digital d'aujourd'hui, mais en mode cha-cha-cha. Algoritmo, dans ton cerveau, comme ça, c'est très joli, vraiment. Il a été inspiré par, comment il s'appelle, le chanteur français, j'ai vu un documentaire sur... Nino Ferrer. Non, beaucoup plus vieux que ça. Il est mort assez jeune, à 50 ans. Voyons, il chantait avec des castagnettes et des danseuses. Dario Moreno. Non, mais c'est avant lui. Avant lui? Oui. Ah oui, c'est... Luis Mariano. Grand bonhomme, Luis Mariano. Sûrement, mais pareil, moi, c'est pas ma génération. Je connais que, tu vois, Sous le seuil de Mexico. Non, oui, c'est ça, exactement. Non, mais quand tu chantais, ça faisait un peu... Ça fait tout de suite penser à Luis Mariano. Ah oui, Luis Mariano. C'est vrai, tout le monde me le dit. Ah ben oui, je sais. Il faut vraiment que je m'éloigne de cette influence. Exactement. Qui me ronge. Il faut arrêter d'y goûter. Ne sors pas cet album. C'est ça. Caché. Non, mais pour ton image. Non, parce que j'ai un sombrero aussi. Oui, effectivement. Oui, et puis il y a aussi la chorégraphie avec les danseuses, là. Mais ça me va très bien, arrêtez de vous moquer. Je suis un grand danseur. C'est vrai. Non. Et dans la noirceur, peut-être. c'est tellement faux, là, que je peux absolument pas. Eh bien, merci d'avoir partagé avec nous ce mini-concert intimiste dans ton appartement. Et donc, ça a donné quelque chose de toujours surprenant. Et on a comme... On a fait un genre de diaporama de ta carrière. Oui, de cette immense carrière, effectivement. qui... Non, mais c'est vrai, donc sans blague. Du début de Pepe au Monde jusqu'à tes débuts en tant qu'auteur, compositeur, interprète. J'espère en tout cas, cher Rénal, que vous allez voir à quel point je suis resté simple. Ah, oui, effectivement. Oui, tu restes... Au degré de triomphe qui est le mien. Effectivement, mais t'es quand même ouvert à tout et prêt à me rencontrer, et c'est ça qui me plaît. À chaque fois, c'est surprenant et c'est plaisant. Voilà. Bah ouais, pour moi aussi, hein. Sinon on serait pas là. Voilà. Ben, merci. Okay. Mais t'as eu qu'un pauvre petit verre d'eau, t'es sûr que tu veux pas autre chose? Oh non, merci, c'est très très gentil. Thank you.